Ce soir, c'est réveillon. On va passer des golfeurs. Je gueulerai au feu, au feu, au bonheur. Que personne n'y parion, attention. Seigneur jardinier, je pense. Devrait qu'à l'abri des prières. Vierge Marie pleine de grâce, je suis pleine de feuilles, mon coude est une crevasse, dans le caveau. Je suis rien qu'une échalote vierge, un vrai fumier vierge, Marie. Seulement quoi qu'on fasse, je suis rien qu'une échalote. J'en peux plus grelotter. Emmenez-moi avec vous, vierge Marie, pleine de graisse. Vierge Marie.